Le marais de Grande-Brière est l'un des principaux points d'intérêt du parc naturel régional de Brière, situé en Loire-Atlantique, au nord de l'estuaire de la Loire. Écoutons Véronique Bourré nous parler de cette charmante région de l'ouest de la France. Le marais de Grande-Brière, parsemé d'îlots habités, est constitué de 7000 hectares de prairies, de roselières et de plans d'eau. Outre sa beauté et son aspect sauvage, cette région est remarquable par son statut juridique unique en France. Elle est en effet la propriété indivise des habitants des 21 communes riveraines. Depuis 1461, grâce au duc François II de Bretagne, ils gèrent eux-mêmes leur marais, ils peuvent à leur guise couper la tourbe et le roseau, et ils bénéficient tous d'un droit de pacage, de chasse et de pêche. Le parc de Brière propose différentes visites et balades. Incontournable, le village de Quérinet accueille 250 000 visiteurs par an. Il a été entièrement réhabilité dans les années 70 et on y admire le hameau piétonnier aux 18 toits de chaume et aux jardins fleuris. Le jeudi matin s'y tient un marché aux produits du terroir. Une trentaine de producteurs locaux proposent des fruits, des légumes, des terrines et les spécialités locales. Le sel de Guérande, le boudin de canard et des volailles cuites dans le four à pain du village. On visite le marais de Brière à pied, à vélo ou en barque. René Moyon fait découvrir les abords de l'île de Fédrin au moyen d'une barque à fond plat qu'il manœuvre à l'aide d'une longue perche. Comme les 6 autres guides de l'île à Saint-Joachim, René travaille de manière traditionnelle, reprochant à ceux qui utilisent des embarcations à moteur d'abîmer les berges du marais. René Moyon est devenu guide bien malgré lui il y a 15 ans, après avoir été licencié pour raisons économiques par les chantiers navals de Saint-Nazaire. La reconversion ne s'est pas faite sans mal, mais aujourd'hui, il ne le regrette pas. Incollable sur la vie des Briérons, il explique aux touristes la faune, les mammifères, les dégâts des ragondins, la répartition de l'eau par un système d'écluses. Il montre comment on attrape les poissons avec la louve ou les anguilles avec la bosselle. On va chez René pour la qualité du service. Sa publicité, c'est le bouche à oreille. Il refuse de payer pour figurer dans les guides touristiques. Et lorsque les touristes se font plus rares, il retrouve son jardin potager et son verger qui le nourrissent toute l'année. Le chaland de René Moyon part de l'embarcadère numéro 187 sur l'île de Fédrin, dans la commune de Saint-Joachim. On y accède en voiture par deux petits ponts. Pour trouver la maison de René, il faut aller jusqu'au milieu du village et s'arrêter à la boutique La Roselière. La balade dure 1h15. Les tarifs sont de 150 francs de 1 à 3 personnes. Il est préférable de réserver la veille en téléphonant au 02 40 91 60 46. Une autre adresse utile est celle de la maison du tourisme du parc naturel régional, 38 rue de la Brière, 44 410 La Chapelle des Marais. Téléphone 02 40 66 85 01.